Régada de luxe. Régada de luxe. De luxe. I'm gonna make it. Deluxe. Regatta Deluxe. Regatta Deluxe. Regatta Deluxe. Régada Deluxe. Régada Deluxe.